Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got that lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time I caught you out again. À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique ici à Québec sur les ondes de CKIA FM 88.3. Et oui, mesdames et messieurs, en direct de Québec, de Place Jacques-Cartier, là, sur la rue Saint-Joseph, des studios de CKIA, un beau bonjour ludique en ce merveilleux jeudi soir. Et comme à notre habitude, une émission toute... chargé, hein, comme à notre habitude, je viens de le dire. Aujourd'hui, on va avoir M. Diego Lamanna qui va venir nous parler du sommet international des Jeux de Montréal via téléphone. Et on va avoir M. Andrew Castegan, comme à notre habitude, qui est à la console. Salut Andrew, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Excellent. Et de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Tu vas nous parler style rétro un peu. Rétro, indie game, t'sais, on aime bien parler des jeux indie. Inquiétez-vous pas, je vous parlerai pas de jeux du style Octodad cette semaine. Mais deux jeux à caractère rétro, faits par des studios indépendants et des amateurs, dont un gratuit et l'autre payant par le billet de Steam. Excellent. Des excellents jeux d'ailleurs, en tout cas, que j'ai pu te voir jouer pendant qu'on était en attente de venir faire notre émission spéciale au Radioton. À 5h du matin, ben, pendant ce temps-là, on jouait à la maison, bien évidemment, en attendant de venir vous parler de jeux. Et comme à notre habitude, là, je vous fais un petit rappel en vous disant que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com, pour aller chercher nos anciennes émissions, podcasts et autres nouvelles ludiques. On vous invite également à aller liker notre page Facebook, donc vous allez taper Puissance Maximale dans la barre de recherche. Vous allez nous trouver assez facilement. Et avec ça, ben, vous pèsez sur le petit bouton j'aime parce que nous, on vous aime, mesdames et messieurs. Je le dis à chaque fois, là, mais c'est vrai. Donc, allez sur la page Facebook et aussi le ckiafm.org pour aller chercher votre carte de membre 2012-2013 de la station pour encourager un micro libre à Québec, une musique différente, des propos différents et des émissions différentes comme Puissance Maximale. Pour encourager, bien évidemment, votre émission préférée, il faut aussi encourager CKIA FM. Et on va commencer, comme notre habitude, avec de l'excellente musique. Et on va commencer par le groupe Blind Guardian. Un autre groupe habitué qu'on fait jouer souvent là, ici à Puissance Maximale, un groupe de power metal allemand. Et on y va avec le classique des classiques de Blind Guardian, Nightfall. Vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. She cried. All hope's lost, it can't be undone. They're wasted and gone. Je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale. Mon petit bébé d'amour. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Blind Guardian et Nightfall. On vous rappelle en même temps, rapidement, que vous pouvez aller nous parler en direct sur Facebook en devenant un ami d'Andrew Castegan, notre metteur en onde. Là, vous le cherchez dans la page Facebook de Puissance Maximale. Il n'y en a pas des milliers sur Facebook. C'est assez facile à trouver. Donc, allez dire que vous voulez être son ami. Vous allez pouvoir nous parler en direct pendant l'émission. Et on y va tout de suite avec la chronique de Monsieur Diego Lamanna, notre envoyé spécial au sommet international des Jeux de Montréal. Salut Diego, comment ça va? Bonjour Michael, ça va très bien toi? Oui, comme toujours. Et là, t'as fait quelque chose de le fun cette semaine, quelque chose qu'on n'a pas pu faire moi et Andrew parce qu'on était pris au travail. T'es allé pour nous au Sommet international des Jeux de Montréal. Et là, t'es allé te gâter, t'as vu plein de choses. On va parler de ça aujourd'hui. Premièrement, on veut le faire, là, on veut remercier les gens qui t'ont invité. Là. Oui, donc je vais remercier plus spécialement donc Géraldine Philippin qui m'a donné une accréditation média pour être présent et assister à toutes les activités du MIG pendant 2 jours. C'était fort gentil de leur part. Et là, c'est quoi finalement? On en avait parlé un peu pendant une de tes chroniques. On veut rappeler aux gens, c'était quoi ce sommet-là? Est-ce qu'on avait je pense que c'est ça, c'est des artisans de l'industrie qui étaient là pour parler jeux, mais on parlait de quoi exactement? Oui, donc c'est ça. Il y a plusieurs activités axées surtout autour de la conception, de la production des jeux vidéo. C'est financé par le Fonds canadien des médias qui finance beaucoup là, des productions télévisuelles francophones et anglophones au Canada, dont 19.2, 3600 secondes d'extase, et des jeux aussi, dont des jeux de Frima Studio à Québec, Non Attack et Brainos Revenge, par exemple. Donc, c'est fait spécialement pour les acteurs là, donc à l'intérieur des compagnies de jeux vidéo, mais aussi des producteurs là, de technologies qui facilitent là, par exemple Autodesk ou des logiciels là, de capture vidéo pour animer là, des chiens par exemple là, avec une face d'humain. C'était assez amusant. Donc c'était 1700 participants. C'était assez intéressant de voir qu'il y avait beaucoup de femmes dans les participants. C'était pas majoritaire évidemment, mais il y en avait beaucoup et il y avait beaucoup aussi une belle mixité d'âge là, donc c'était vraiment, ça représentait pas mal tout le monde là, de l'industrie. On aime ça justement de voir d'autres gens qui se greffent à cette industrie-là qui était à une certaine époque beaucoup masculine, mais là de plus en plus de femmes et en plus multigénérationnelles. On aime ça parce que ça change aussi la façon que les jeux arrivent sur le marché, ça fait des nouveaux types de jeux. On aime beaucoup ça. Et là il y avait beaucoup de conférences, si j'ai bien compris, à peu près 80 conférences en 2 jours. Oui, 80 conférences en 2 jours, c'est assez imposant. C'était divisé en plusieurs catégories. Je crois 6 ou 7 thématiques, dont la technologie, le design, les affaires, l'audio dans les jeux, le visuel dans les jeux, les arts, puis les effets spéciaux dans les jeux, et certaines conférences beaucoup plus majeures là, de personnalités vraiment importantes, dont Tim Sweeney et Stéphane Martinière et Peter Molineux. Là, c'est les 3 conférences que je voulais plus vous parler aujourd'hui. Et là, on va commencer par celle de Tim Sweeney d'Epic Games. Là, il nous a présenté sa conception du futur un peu de l'industrie du jeu vidéo. Oui, pour lui, c'est ça. Il venait nous présenter le Unreal Engine 4 qui va sortir en 2013. Il nous montrait quelques vidéos là, des possibilités du nouveau engin du jeu. Donc pour lui, ça passe beaucoup avec une synergie entre l'engin du jeu et des bons jeux. Donc créer un bon engin pour créer des bons jeux. Donc pour lui, c'est vraiment son focus là, pour l'avenir, c'est de créer des bons engins pour créer des jeux. Il est très axé sur la technologie, contrairement à plusieurs autres présentations qui ont été faites, qui étaient beaucoup plus sur le design, essayer de trouver des innovations au point de vue de la jouabilité, non pas uniquement axé sur la technologie. Lui, c'est un peu comme on dit un techno-freak, là, qui est très axé. Là. Il nous présentait par exemple, c'est le real-time indirect lightning, donc l'éclairage indirect en temps réel, qui va être possible avec le Unreal Engine 4. Ça propose des vidéos assez incroyables. Je mettrai en ligne sur la page Facebook les liens vers les vidéos qui montrent les nouvelles prouesses de l'engin. Par exemple, pour faire rouler ça en temps réel, ça nécessite des 2.5 tétraflops au minimum. Donc, c'est quelque chose que les en GPU, donc en le processor unit graphique d'un ordinateur du 2.5 teraflops. Donc, c'est immense, c'est pas encore mainstream. Ça va venir dans les prochaines années. C'est intéressant de voir cette vision-là, quelqu'un de très techno, mais aussi qui dit que c'est pas tout la technologie, même si lui est très axé là-dessus, nous parle d'une union qui doit se faire entre cette technologie-là puis aussi le jeu en tant que tel, parce que t'as pas à avoir le plus beau jeu du monde, si le storyline suit pas, ben habituellement on va décrocher, mais avec une belle esthétique, grâce à cette technologie-là, ben souvent, ben ça va devenir encore plus immersif, on n'a qu'à penser entre autres à Skyrim, mais très beau, c'est un point vraiment intéressant. Et là, il y avait aussi Stéphane Martinière aussi, qui est venu vous parler pendant cet événement-là? Oui, c'est ça, Stéphane Martignan, c'est un nom généralement on connaît pas, moi je le connaissais pas, mais quand on voit son CV, par exemple, on voit que c'est un directeur artistique qui a travaillé sur beaucoup de, autant sur des séries animées, bandes dessinées, le bon vieux Inspecteur Gadget de notre enfance, et d'autres films aussi, il a travaillé sur Star Wars, Sphere, Total Recall, entre autres, et c'est lui aussi le directeur artistique du jeu Myst. Donc, il y a quand même un CV assez important là au point de vue de la direction artistique. Il venait nous parler de son expérience dans la création du jeu Rage et c'était quoi les considérations qui sont venues, les réflexions qui lui passaient dans le processus de création. Et donc, c'est la conclusion de son expérience dans la création de Rage. Et c'était vraiment que le graphique doit aider la jouabilité. Donc, toujours penser le... comment on va créer autant les niveaux de jeu, comment on doit les penser pour qu'ils soient conséquents avec ce qu'on va proposer comme jouabilité. Donc il montrait par exemple d'utiliser dans Rage par exemple, pour quand c'est des sections où c'est uniquement de la course automobile. Donc c'est des comme à LA qu'on voit dans Terminator 2, les genres de digues. Donc il a utilisé ce genre de structure architecturale là pour que la linéarité soit beaucoup moins contraignante dans le jeu, par exemple. Donc des petites choses comme ça. Il disait aussi que uniquement la couleur du ciel crée une ambiance totalement différente d'une place à l'autre. Il faut faire attention à ces petits détails là qui vont créer l'ambiance générale du jeu. Il doit y avoir une discussion permanente entre les designers de la jouabilité et ceux qui font l'art pour qu'il y ait vraiment une cohésion, une synergie entre les deux. C'est intéressant d'entendre ça. Ça nous ramène un peu du fait que concevoir un jeu vidéo puis le réaliser, c'est complexe, très complexe. Des fois, les critiques de jeu, là, souvent, on a la critique facile. « Ah, il me semble qu'il aurait pu faire ça. Ça aurait pu être réglé facilement. » Pas toujours. C'est toujours intéressant d'entendre vraiment les concepteurs nous parler de ça puis de nous rendre compte finalement de cette complexité-là. Et là, pour la troisième conférence dont tu voulais nous parler, pour Peter Molineux, t'avais l'air de me dire que t'avais été déçu? Oui, mais c'est une présentation via Skype. Peut-être on s'attendait beaucoup de Peter Molineux, une grande sommité dans l'histoire là, du design de jeu, mais il nous a quand même présenté son nouveau jeu ou son nouveau projet, si on veut. C'est dur de dire jeu. Je pense que sur IGN.com, il y a une note de mauvais à 4.2. Il est sorti la semaine dernière. Mais c'est une expérience sociale, une expérience de design. C'est un immense cube où sur Android, ça s'appelle Curiosity. C'est sorti le 6 novembre. Donc on enlève des pixels. Il y a une surprise à l'intérieur. Il y a des millions et des millions de pixels. Donc il va y avoir une personne qui va réussir à enlever le dernier pixel et va savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Donc c'est un peu ça les prémices du jeu. Vous pouvez le downloader sur iPad, iPhone, toutes les plateformes mobiles. Et donc c'est une expérience assez intéressante. Ça devient addictif. Tu veux enlever une couche par couche, donc faut-tu. C'est comme une expérience sociale au niveau planétaire. Là. C'est un concept assez intéressant, si on veut. Mais souvent, moi, ce que j'avais entendu à propos de Peter Molineux sur ses annonces et tout, là, souvent, ce qu'on me dit, c'est que on s'en attend beaucoup. Il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de d'annonces. Il promet beaucoup. Puis finalement, le produit final n'est jamais vraiment à la hauteur de ce qu'il a annoncé. Est-ce que, je sais que tu t'y connais, justement, là, dans ce milieu-là, tu connais les personnalités. T'es-tu d'accord un peu avec cette affirmation-là? Selon toi, Molineux, il tient la route à chaque fois qu'il parle? Tu sais, c'est pas mal ça. Ben, Ils tentent des choses, donc c'est sûr que c'est hors des circuits commerciaux, cette genre d'approche. Le genre d'approche qu'il peut avoir, c'est vraiment de l'innovation en design. Donc c'est sûr que c'est une conception alternative de ce milieu-là. Donc c'est une personnalité très spéciale là, dans le milieu. Là. Effectivement, c'est une... Excellent. Et là, il y avait aussi d'autres choses là. Il y avait pas juste des conférences là au sommet. Il y avait aussi des salles d'exposition. Qu'est-ce qu'on y a retrouvé dans ces salles d'exposition là? Oui, il y avait plein de choses, plein d'activités, dont les sketch duels qui étaient assez impressionnants à voir. Donc du speed painting. Ils ont 15 minutes avec Autodesk pour créer une toile. C'était assez impressionnant à regarder pour quelqu'un comme moi qui a peu de talent artistique. C'était vraiment, vraiment impressionnant à voir une souris qui tranche un commandant dans la jungle en 15 minutes et créer des chefs-d'œuvre comme ça. C'était assez beau à voir. Et il y avait aussi des exposants, donc des compagnies de jeux, des écoles de formation, dont le cégep de Limoilou était là. Il y avait une école aussi, Vanier College, qui venaient présenter leur programme d'études en jeux vidéo. Le cégep de Limoilou a des beaux projets d'études autant en design qu'en art. Et aussi des compagnies d'accessoires, donc Autodesk, qui venaient présenter leurs nouveaux produits, leurs nouveaux gadgets liés à la production de jeux. Tout dans ces deux journées-là était vraiment axé sur la production puis l'échange de connaissances, mais aussi le recrutement de personnel. C'était assez ouvert. On peut aller voir n'importe quelle compagnie. BioWare était présent, Eidos Montréal était présent. Les grandes compagnies montréalaises et Frima aussi étaient présents, présentaient leurs jeux, présentaient les postes qui étaient ouverts, c'est quoi le fonctionnement de l'entreprise. Donc c'était assez intéressant de voir ça, de passer d'un kiosque à l'autre et de voir et de discuter avec les représentants des diverses compagnies. Oui, c'est ça. C'est pas un endroit où les gens pouvaient se présenter et faire « Bon, ben moi, je veux acheter des jeux, je veux acheter des goodies, je veux voir l'univers du jeu de façon ludique. » On était là pour vraiment du côté professionnel, du côté académique. Oui, Eidos Montréal proposait un kiosque de vente de produits, des t-shirts, des posters et les jeux aussi Deus Ex Machina. Donc, mais je pense que c'était le seul, là. J'en ai pas vu d'autres. Sinon, il y avait des freebies et des cadeaux à gagner là, de divers jeux Xbox, des choses comme ça. Là. Parce que c'était pas mal commandité par Epic Games, qui est très lié avec Xbox. Donc. D'accord. Et là, pour terminer, là, pour nous parler du sommet, là, on va revenir avec une autre chronique dans une autre émission parce qu'il y avait beaucoup de choses à parler. Mais là, tu voulais nous parler un peu parce qu'il y avait une zone de démo pour essayer certains jeux en exclusivité. Et écoute, tu veux-tu nous parler justement des jeux que tu as préférés? Oui, il y a trois jeux qui ont retenu mon attention. Ces trois jeux, il y avait Frima Studio qui nous présentait là, donc Attack None et... Brainzell's Revenge en démo, mais je crois qu'ils sont déjà disponibles, ou à tout le moins Nanatak est déjà disponible, puis Brainzell's le premier est déjà disponible. Donc c'était plaisant à jouer. D'autres jeux qui ont pas été faits, Crankshaft, une compagnie montréalaise, qui ont créé un jeu Party of Sin, qui le démo devrait sortir bientôt. C'est un jeu de plateforme avec des puzzles coopératifs qui joue idéalement à 2, 3 ou 4 joueurs sur PC. Ils travaillent aussi pour le publier sur Xbox. C'est un genre de Mario Party, mais avec un style gothique steampunk assez intéressant. Puis la jouabilité est fondée sur les 7 péchés capitaux. Donc chacun des personnages, il y a 7 personnages qu'on débarre dans la progression du jeu. Donc un personnage qui représente la gourmandise, qui avale des objets ou des personnages. Un autre, l'avarice, qui a un crochet pour amener les choses à lui. Ou s'accrocher dans l'environnement. Donc, c'est assez intéressant l'intégration des 7 péchés capitaux dans la jouabilité. Donc, il faut résoudre des puzzles avec comme prémisse les possibilités des 7 joueurs. Donc, en temps réel, on change de joueur. C'est assez plaisant à jouer. J'ai hâte d'essayer ça, ce petit jeu-là. J'ai hâte de voir passer ça sur PC. Il y en avait un autre aussi, il y avait Decode Global. Oui, Decode Global, c'est plus c'est un projet là, qui reste depuis quelques temps sur Internet. C'est fondé par une fille Delzinski, qui habite maintenant à Montréal. C'est plus un incubateur de changement social par la technologie. C'est leur mission. Leur jeu n'a pas encore de nom. Il y avait un projet pour le nommer. Ils l'appellent le projet Decode Global. Pour l'instant, c'est la compagnie. C'est axé sur les problèmes des femmes dans le tiers-monde qui passent trop d'heures collectivement à ramasser de l'eau au lieu de s'éduquer. Ils ont réussi à mettre toutes ces considérations-là dans une jouabilité assez intéressante. Faut trouver une stratégie pour améliorer la situation. C'est de la micro-gestion axée autour d'une petite fille, Maya. C'est vraiment intéressant comme jeu, là, sous plateforme mobile, évidemment. Donc, c'est un petit jeu casual, là, fort intéressant, avec des considérations politiques et humanitaires derrière. Hein, toujours intéressant de joindre la dimension ludique et la dimension responsable et sociale. J'aime toujours ça. Et surtout que Talon nous dit qu'en plus, c'est un jeu intéressant. Donc, Oui. Essentiellement designé par... Il y a plusieurs femmes qui designent ce jeu-là, donc c'est quand même une différence dans la conception du design ou de lier des sujets humanitaires avec les... avec une jouabilité intéressante. Excellent, on aime toujours ça, les choses différentes comme ça. Et finalement, un dernier jeu, Mercenary Kings. Oui, créé par la compagnie Tribute, avec une belle esthétique 16 bits, 8 bits sophistiquée. Donc, c'est ça un peu leur marque de commerce. C'est un jeu de tir plateforme dans le bon vieux style de Contra, mais en coop. Ben, Contra 3 présentait déjà des modes coop, mais là, jusqu'à 4 joueurs en split screen. Il y a plusieurs armes. C'est un jeu extrêmement addictif. C'est sur Xbox, peut-être sur PlayStation, je suis pas certain. Certainement sur Xbox, j'ai essayé sur Xbox. Et donc c'est aussi addictif qu'un bon vieux jeu de Super Nintendo quand on était jeune. Là. Donc belle simple complexité, une jouabilité simple avec une belle complexification avec les armes et tout. Ça devrait sortir bientôt. Je pense qu'un démo devrait sortir bientôt. Excellent, on aime toujours ça aussi, on aime ça puissance maximale, les petites saveurs rétro. Écoute, merci beaucoup Diego de nous avoir parlé du Sommet international des Jeux de Montréal. On les remercie encore de t'avoir invité pour que tu puisses nous en parler ici à puissance maximale, et on va vous revenir dans une autre émission avec Diego pour vous continuer à vous parler de ça, parce qu'il y a d'autres trucs qui s'en viennent également. Donc merci beaucoup Diego d'avoir été là, toujours un plaisir. Toujours un plaisir de faire des chroniques pour vous. Merci beaucoup, Diego. Et on va continuer en musique, mesdames et messieurs, et monsieur Castegan, avec quelle chanson? Avec 3 verres de cognac de Crampe en masse. Et oui, parce que Crampe en masse est aussi un groupe qu'on aime pas assez, à puissance maximale. Et vous entendez ça, justement, à puissance maximale, sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Hier soir, j'étais dans un party. Pour faire mon tof, j'ai calé 3 verres de cognac. Le troisième dit aux 2 autres de remonter. J'avais l'air d'un érable avec ma chaudière dans le cou. Mais pourquoi donc que je bois autant? C'est-tu pour oublier que je bois autant? Faut pas mélanger du rouge pis du blanc. Ma mère m'a toujours dit de séparer mes brassées. Moi je bois juste pendant le temps des fêtes. Mais comme je sais pas c'est quand, ben je prends pas de chance. L'autre jour j'ai pris mon char même si j'étais sous. Mais j'aime mieux prendre mon petit neveu, il est moins pesant. Pas prendre le volant quand on est sous. Mais c'est dur de conduire juste avec les pédales. Si tu te fais pogner dans un barrage, ben sors ton bat de baseball pis fesse les castors. Et pourquoi donc que je bois mes fonds? Même quand y'a 2-3 botches qui flottent dedans, c'est sûr que ça, ben ça me sauve du temps. Je peux fumer, boire pis vomir en même temps. Maudite boisson. Alors bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi, Le meilleur dans ce que vous faites. Oui, de retour à puissance maximale pour la chronique, une, deux chroniques de M. Andrew Castagan cette semaine. Il va nous parler de jeux à saveur rétro, de jeux indépendants. Et de quel tu vas nous parler en premier, M. Castagan? Je vais vous parler d'un jeu qui est sorti en 2007. Quand même pas si pire. Un jeu extrêmement dur, je vous dirais. Si vous voulez vraiment détruire votre ego, c'est le jeu idéal. Je vais vous parler de I Wanna Be the Guy, the Movie, the Game. Ouais, moi je l'ai vu jouer et j'ai ri beaucoup. En fait, ce jeu-là est un jeu gratuit qui est pas fait par aucun studio. C'est un jeu qui est développé par un indépendant du nom de Michael Cian O'Reilly. Félicitations, belle prononciation. Merci. Et en fait, c'est un jeu disponible uniquement sur PC, PC Windows à spécifier. Et la distribution est uniquement sur le site du développeur. Donc, vous allez sur Google et vous écrivez « I wanna be the guy » et vous allez pouvoir le télécharger gratuitement. Mais là, Andrew, ça prend pour l'avoir vu, je sais à peu près la réponse, mais pour les auditeurs, là, ça prend pas une si grosse machine que ça pour le rouler. Non, effectivement. Seule chose que je dois vous avertir, c'est que c'est un jeu qui a été fait par un indépendant, un amateur. Donc, ça arrive souvent que le jeu plante. Ça se rajoute un peu au, ouais, au défi. Parce qu'en fait, le jeu à savoir, dans le fond, c'est on parle ici d'un jeu de plateforme classique avec une petite saveur de shooter, un peu à la Contra. Parce que dans le fond, on se retrouve à jouer un petit bonhomme avec un petit pistolet. Et il a décidé qu'il voulait devenir « the guy ». Donc, le gars de ce monde-là. Et pour ça, ben il faut qu'il aille tuer le « the guy » présent actuellement, qui est... son papa. Mais je vous donnerai pas les détails exacts pourquoi il veut devenir The Guy. Mais bon. Mais là, il faut savoir que ça a saveur rétro. Donc, on utilise même les trames sonores existantes. Au début, c'est Mega Man, la toune de Mega Man 2, je pense. Exactement. En fait, c'est un gros fan de jeux de NES, donc des vieux jeux de Nintendo. Donc, vous allez retrouver des clins d'œil à Tetris, Ghost and Goblin, Legend of Zelda, Castlevania, Kirby, Mega Man, Metroid, Mario... Je vais me rappeler que quand tu jouais chez nous, t'as beaucoup, beaucoup gossé dans le level où il y a la musique de Ghost and Goblin. Oui, effectivement. Mais tu sais, dans le fond, c'est vraiment un gros clin d'œil qui fait à tout l'univers du jeu. Je vous dirais en même temps, il fait un clin d'œil pas uniquement aux personnages ou aux musiques, mais aussi aux petits glitchs, les petits bugs qu'on pouvait avoir à l'époque sur les vieilles consoles quand les cassettes étaient mal enfoncées ou X affaires qui pouvaient nous faire suer. Ben, je vous dirais, le défi de ce jeu-là, c'est pas tant la plateforme en soi, malgré qu'il y a certains passages que oui, c'est ça, mais c'est vraiment... Il peut arriver n'importe quoi. N'importe quoi. En fait, ils ont premièrement appliqué le principe de Mega Man partout. Donc, chose à savoir dans les Mega Man rétro, si vous touchiez un pic... vous mourriez. Vous tombez dans un trou, vous êtes mort. Ils ont appliqué exactement ça à la lettre, mais avec tout. Il y a une pomme qui tombe d'un arbre, vous mourrez. Vous tombez dans un trou sans fond, vous êtes mort. Vous touchez un piquant, vous êtes mort. Puis les pommes, ils font pas juste tomber. Ils montent aussi. Donc, vous sautez par-dessus l'arbre, la pomme peut monter. Moi, sans farce, je te voyais jouer, là. Je fais, c'est quoi ça? Le gars, il est fou, sans farce. C'est vraiment un jeu où tout peut arriver, puis c'est au niveau plateforme. Le soleil peut tomber. La lune. La lune, à un moment donné, elle tombe, elle roule. Elle détruit le décor, elle court après. C'est vraiment, mais en fait, c'est vraiment malade. On utilise tout ce qui se passe dans le jeu. Là, moi, j'ai été très impressionné par le jeu, mais moi, j'aurais pas été capable de jouer à ça. J'aurais perdu patience. Et sans compter la difficulté énorme des boss. Ouais, effectivement. Le premier boss, c'est... Mike Tyson. Et oui. De Punch-Out. Et je vous dirais que j'ai passé... une bonne vingtaine d'essais avant que tu réussisses à l'avoir, je me rappelle bien. Ah, facilement. Mais tu sais, je vous dirais que C'est du jeu pour hommes. T'sais, si vous vous sentez prêt à relever le défi, je vous dirais, c'est un petit jeu gratuit, il y a ses défauts, il y a ses bons côtés, mais je vous dirais que si vous êtes un hardcore gamer qui recherche du défi, Demon's Souls et Dark Souls ne sont plus des défis pour vous quand vous voulez passer les deux doigts dans le nez, malgré que c'est des jeux très, très difficiles. Essayez ça, et vous m'en donnerez des nouvelles, parce que je vous dirais, il est très, très dur. Ouais, c'est les contrôles, le fait que c'est difficile, on sait que tout peut arriver, tout peut tomber n'importe comment. Il peut y avoir 26 000 façons de mourir. Mais est-ce que les commandes sont bonne ou on joue avec le clavier? On joue avec le clavier. Je vous dirais que les contrôles en général vont très bien. La seule chose, c'est que des fois, le double saut ne fonctionne pas. Et quand on arrive pour faire un double saut, on appuie deux fois sur espace pour sauter et le bonhomme saute pas. Et ça, la seule chose, c'est je sais pas si c'est le jeu qui a un problème avec la touche ou si c'est réellement c'est voulu. Random, puis là, cette fois-là, ça marche pas. C'est ça, c'est à cause que ce jeu-là, il est frustrant, mais on en rit à un moment donné. Alors moi je te regardais jouer là, sans faire, j'ai tellement ri là. T'sais, je vous dirais que t'sais, on tombe tanné à un moment donné, mais ça vient tellement blesser l'orgueil qu'on se dit, ok, je vais continuer de jouer. J'attends que je passe ce bout là, puis après ça, il va manger de la merde ce jeu là. Mais tu continues après, puis. Exactement. Puis il y a des points de save là. Quand tu meurs, si t'as pas sauvé, tu recommences juste du début. Juste pour vous donner une idée à quel point ce jeu là est nargueur, vous avez trois niveaux de difficulté. Vous avez hard, very hard et normal. La seule différence qu'il y a dans le jeu, c'est pas la difficulté, c'est la fréquence des points de sauvegarde. Et à quel point qu'il vous écœure avec ça, si vous mettez le jeu à normal, votre personnage a un ruban rose pour montrer que vous êtes une lopette de jouer à normal. Et j'ai vu des let's play sur internet à hard et j'ai même vu du monde le passer à very hard. C'est soit qu'ils n'ont pas de vie ou soit c'est des dieux du jeu vidéo, je ne sais pas. Mais non, c'est quelque chose. Donc, les gens peuvent aller se chercher ça sur le site du développeur. C'est quoi le nom déjà du développeur? En fait, vous cherchez tout simplement I Wanna Be The Guy. C'est le premier qui va sortir. Et en même temps, le Michael Kyan O'Reilly est en train de travailler sur un prequel qui est I Wanna Be The Guy Gaiden. Et J'aime ça, moi, le rajout du Gaiden. Et juste pour vous donner une idée, le slogan du jeu. Des fois, j'aime bien ça parler des slogans. Le slogan, c'est « I wanna be the guy, a very hard game about a boy and 8-bit masochism ». Oh yes, et ça résume pas mal ce que c'est. Merci beaucoup, M. Castegan, de nous avoir parlé de I Wanna Be The Guy. Vous pouvez aller chercher ça sur Google, gratuit sur PC. Ça vous tente de sacrer. Moi, sans farce, là, mettez ça, branchez votre PC sur une grosse TV ou un projecteur, invitez plein d'amis avec quelques consommations et une pizza, là. Ça fait un party, juste regarder jouer à ça, c'est malade. C'est vraiment drôle. Donc, allez vous chercher ça sur Google. Et on continue en musique, M. Castegan. Oui, ça va être la tune High Life de Daft Punk. Oh yes, on aime ça une fois de temps en temps, un peu d'électro. Et vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Me. Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale avec encore M. Andrew Castegan qui va nous parler d'un autre jeu parce que c'est toujours intéressant de t'entendre parler du jeu, Andrew. Et là, tu vas nous parler d'un autre jeu à saveur rétro. Et là, on va dans l'univers un peu de... pas dans cet univers-là précis, mais à la sauce Grand Theft Auto. Oui, en fait, je vais vous parler de Retro City Rampage, jeu développé par V-Blank Entertainment Incorporated. Dans le fond, qui est un studio indépendant qui a été publié, dans le fond, par D3 Publisher, que lui n'est pas indépendant, mais bref. À la base, c'en était un. C'est disponible sur quelle plateforme, ça, nous? En fait, c'est disponible actuellement sur PlayStation 3, PlayStation Vita, Microsoft Windows et en attente pour être sur Xbox Live Arcade et WiiWare. Ben, tu m'étonnes parce que tu as joué PC chez nous. Je savais vraiment pas qu'il y avait ça version console. C'est vraiment le fun. Moi non plus, je l'ai su tantôt. Et là, quel genre de... On s'attaque à quel genre de jeu, là, Andrew, quand on parle un peu à la sauce Grand Theft Auto, mais là... C'est à l'ancienne sauce. Oui, en fait, on parle vue du dessus, vieux Grand Theft Auto 1 et 2, où est-ce que les contrôles étaient corrects, mais quand même atroces à l'époque, où, dans le fond, vous avez vraiment une vue de haut, et vous pouvez faire toute action, dans le fond, qu'on retrouve dans Grand Theft Auto, qui est de voler une voiture, tuer des gens, rouler sur le trottoir et tout ça. Vous retrouvez tout ça, en fait, dans ce jeu-là. Sauf que la différence, c'est en fait, faut savoir d'où est-ce que le projet Retro City Rampage commence. En fait, c'est le créateur du jeu, donnez-moi 2 secondes, je cherche le nom, Brian Provenciano. D'accord. Ah, ok, oui, Andrew, tu as une bonne prononciation aussi. Merci. Qui, dans le fond, avait décidé en 2002 de prendre avec un kit de développement de la NES, la vieille console. Il a décidé je vais refaire Grand Theft Auto 3 en 8 bits. Et cool. Qui va appeler ça Grand Theft Endo. Hein? Vous voyez le nom? Et en 2011, lors du Game Developer Conference, a décidé de dévoiler son jeu et ses méthodes de développement. Problème, il avait dépassé les limitations matérielles que la NES permettait. Donc, on oublie le projet de faire une cassette de Nintendo de ce jeu-là. Il a décidé de passer son développement sur PC. Ça, j'avoue que, par exemple, petite parenthèse à ta critique, Andrew, j'aimerais beaucoup ça. Qu'il y ait des développeurs qui recommencent à faire des jeux sur cartouche. Il y a beaucoup de monde qui a encore leur console. Puis je te garantirais que les prix des consoles rétro augmenteraient beaucoup en magasin s'il y avait des trucs du genre. Effectivement, mais au début, c'était le projet. Mais malheureusement, il n'a pas pu faire suite à ce projet-là. Et tant qu'à faire le changement sur PC, ben il a décidé de rajouter des choses de plus, puisque maintenant, il n'y avait plus la limitation que le NES avait. Et il a décidé, dans le fond, de rajouter des personnages, de jeux, autant de jeux que de séries télé, ou encore des magasins ou des lieux qui avaient marqué son enfance. Et finalement, il a décidé de faire, bah, au lieu de faire GTA 3, je vais faire mon propre jeu. D'où pourquoi que Retro City Rampage est né. Et je vous dirais, mes amis, quel résultat! En fait, voyez Grand Theft Auto 1 et 2 dans toute sa gloire, mais avec des graphiques encore plus merdiques en 8 bits, avec de la musique 8 bits, comme à l'époque du vieux Nintendo, mais avec une map immense et plein de clins d'œil à plein d'affaires du jeu rétro. Ouais, c'est ça, c'est pas juste Grand Theft Auto, il y a des caméos, je pense, des Tortues Ninja. Oui, au début, vous tuez les Tortues Ninja. Ok, ouais, c'est... Et vous leur volez leur van. Bien évidemment. Parce que dans ce jeu-là, vous jouez le méchant. Oh yeah. Le méchant qui doit sauver le monde. J'aime toujours ça, ce concept-là du méchant qui pense juste à son profit, mais involontairement sauve le monde en parallèle. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ce que je trouve de plus en plus plate, c'est le méchant qui devient bon à la fin. Là. Non, lui, mais il devient pas bon. C'est ça, il sauve le monde à son insu, finalement. Ça, c'est drôle. Ouais, ben, en fait, c'est que tout commence avec un hold-up de banque et il finit par se ramasser dans une DeLorean à voyager dans le temps. Oui. Et il se retrouve dans le futur où tout est le bordel. Et il y a le Doc qui l'appelle le héros du temps. T'es remarqué les clins d'œil? Ah, oui. Et là, ils doivent reconstruire la machine et régler les erreurs. Mais lui, le personnage, il fait ça juste parce qu'il veut rentrer chez lui. Mais en même temps, juste cette option-là fait en sorte que il va sauver le monde, à cause ça va éviter qu'il y ait une déchirure temporelle qui va tout détruire. Les fameuses théories du Doc, là. Mais imaginez ça avec une boîte de texte. ultra pixelisé avec de la vieille musique. Puis un gameplay à la Grand Theft Auto. Mais là, justement, parlant de gameplay, là, disons, parlant commande, là, parlant jouabilité, là, c'est-tu bien difficile de jouer? Est-ce que le jeu est difficile, premièrement, puis est-ce que ça se joue bien? Ça se joue bien. Est-ce que le jeu est difficile? Pas de temps. Il y a certains secteurs que c'est difficile, mais t'es, vous n'aurez pas tant de gros défis que ça. Peut-être à certains moments où il y a des grosses fusillades, parce que je vous dirais, le jeu se joue très bien. Les contrôles vont très bien également. Le combat corps à corps est très fluide. La seule affaire, j'ai trouvé une bémol, c'est que je trouve que le système de visée laisse un peu à désirer quand on a un arme. Mais en tant que tel, là, c'est quand même très, très bien. Là, je vous dirais, j'ai été très surpris du jeu. Puis en même temps, il est pas terriblement cher. J'ai pas le prix à portée de la main, malheureusement. C'est j'ai pas pensé à... Parce c'est disponible sur Steam, là, pour les sur Steam et le PlayStation Network, mais j'ai pas pensé, malheureusement, à sortir le prix du jeu, mais c'était moins de 15$, là. Tu sais, je vous dirais, là, que c'était... Je crois que c'était 9... De 10 ou 11 dans ces alentours-là. En même là. Temps, surveillez aussi, souvent, ils ont des indie bundles, des deals, des fois, de plusieurs jeux indépendants. Des fois, ils pourraient se retrouver là-dedans. Ça pourrait être une belle façon de vous initier à ce petit clin d'œil au côté rétro. Puis toi, Andrew, ça vaut la peine, selon ce que tu nous dis, ça vaut la peine d'être acheté. Là. Oui, oui, je vous dirais, moi, j'ai eu l'occasion d'essayer une petite version d'essai. Là. Je vous dirais, là, ça m'a bien surpris. Là. Je vous dirais aussitôt que je vais avoir les sous. C'est fort probable, effectivement. Ça va aller dans ma librairie là, de jeux Steam, accessible à mon grand divertissement. Et aussi, en même temps, ben, il n'y a pas juste le facteur sous. J'attends aussi de revoir un ordi, mais... Ah, mais ça, c'est une autre histoire, M. Castagan. D'ailleurs, Andrew, toute l'équipe de Puissance... la communauté de Puissance Maximale peut-être dire ses condoléances pour ta machine qui est morte. Moi, on est à veille de faire un nouveau Radioton au lieu de sauver ses QIA. Ça va être achetons un ordinateur pour le roux de Puissance Maximale. Faut qu'il puisse continuer à nous faire des bonnes critiques. De jeux à puissance. Ben, ça coûte quand même un peu ma librairie de critiques. Là. Ça me coûte quand même le quart de ma possibilité. Là. Ça fait que c'est un peu plate. Mais écoutez, mesdames et messieurs, il y a d'autres critiques qui s'en viennent, entre autres des jeux de société. D'ailleurs, on salue les gens du Scorpion Masqué qui nous ont offert des jeux il y a deux semaines. Là, on attend de pouvoir se. Trois jeux. On attend de s'y mettre là, pour pouvoir... Je ne me rappelle pas des noms, mais ils sont à la maison. Ils attendent d'être joués. On a bien hâte. On attend d'avoir notre temps, le temps qu'il faut pour bien les jouer, pour bien les essayer, pour vous en reparler en ondes. On remercie aussi Distribution d'Oude, Mme Chantal Campagna, qui nous a aussi fourni un jeu à laquelle on attend de jouer également, de prendre le temps de bien le faire. Donc, des critiques de jeux de société, de jeux de plateau qui s'en viennent grâce à des partenaires, à des amis de Puissance Maximale. Donc, les éditeurs. Le Scorpion Masqué. À ce stade-là, c'est rendu quasiment des amis, effectivement. Non, c'est pas quasiment, c'est des amis. Le Scorpion Masqué et Description d'Oude avec Mme Chantal Campagna qui nous appelle à l'occasion pour nous parler jeu de plateau. Merci beaucoup, Andrew, de nous avoir parlé du jeu Retro. Je me rappelle jamais. Retro City Rampage. Merci beaucoup. Disponible sur Steam, sur PSN et possiblement sur Xbox prochainement. En fait, ils disent Q4 2012, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année. Ah, ben excellent. Donc, surveillez ça, mesdames et messieurs, amateurs de rétro gaming, avec aussi I Wanna Be The Guy. Allez vous chercher ça pour vos machines, pour des heures et des heures de plaisir. Et on va terminer l'émission, comme à notre habitude, en chanson. Et on y va, on parlait rétro, là, on y va avec une chanson... une chanson d'une vieille série que j'écoutais quand j'étais jeune. Peut-être que vous aussi, peut-être que vous êtes trop jeune, peut-être que vous êtes trop vieux, mais bref, écoutez ça. Ça s'appelle Les Snorkies. Vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Yeah. ou les voir plonger parmi les vagues, se courir après, se faire des blagues, et bien souvent, parmi les poissons volants, vous voir comme ils aident plus faibles, leur cœur est plus grand que l'océan. Qui sont les snorkies? Ils n'ont pas toujours gagné d'avance, mais sachez bien qu'ils n'ont jamais peur de rien. Et je vous assure que leurs aventures vous entraîneront toujours plus loin. Qui sont les Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale avec une chanson des Snorkies qui a été arrêtée comme ça. Désolé, mais c'était Andrew, il a fait le saut quand la tune a commencé. Il a catché c'était quoi, là. Oui. Les Chrome, les Schtroumpfs aquatiques, finalement. Donc, c'était les Snorkies. Demandez-moi pas c'est qui chante ça. Je m'en rappelle pas. Mais une excellente émission qu'on avait quand on était jeunes. On reste dans le côté rétro parce que là, on vous donne deux petites nouvelles rapides avant de terminer l'émission. Premièrement, oui, mesdames et messieurs, pour les gens de mon âge, de ma génération et ceux qui veulent le découvrir, une super annonce qui est sortie cette semaine à Télé-Québec. C'est eux qui vont diffuser la suite des Mystérieuses Cités d'Or et pas un remake qu'on avait eu... J'avais vu passer ça il y a une couple d'années. C'était sorti sur DVD. J'avais vu ça sur des magazines Séjour, des suppléments, avec une nouvelle série, Les Mystérieuses Cités d'Or. C'était dégueulasse, c'était pas beau. L'animation était dégueulasse, puis l'histoire était pas bonne. Mais là, on nous parle de vraiment autre chose. J'avais vu passer, justement, des bandes-annonces sur Internet. J'avais vraiment été impressionné de ça quand j'avais vu passer ça. D'ailleurs, on peut peut-être passer un petit extrait du son là, t'es, la bande annonce, je l'ai partie parce que je voulais voir là, mais on peut mettre une petite idée du son. Envoyons ça. Ça lag un peu à cause de l'internet là. Je pensais qu'elle allait avoir un petit peu plus d'action, je m'excuserai. Mais c'est effectivement un peu le même genre de voix. Ils ont essayé de travailler pour que les voix se ressemblent un peu. Le graphique est très beau. J'avais regardé ça. En fait, les personnages sont en 3D. Ouais, c'est vraiment j'ai été impressionné. Puis vous allez voir, c'est ce qu'on entendait, c'était vraiment la bande-annonce qu'on avait vue il y a une couple de mois là, qui était sortie. Avec notre merveilleux ordinateur qui n'en arrache pas du tout. Pas du tout. Et donc, une belle... par exemple, il n'y a pas de date de diffusion qui a été sortie dans le communiqué là, de Télé-Québec. Mais un autre bon coup pour Télé-Québec. Écoutez, moi, Télé-Québec, il y a les bobos qui sont sortis cette année, qui sont quand même bien. Je trouve que c'est une série un peu inégale, mais c'est quand même drôle. Marc Labrèche, Anne Dorval, toujours drôle. Et les appendices, les mesdames et messieurs, si vous écoutez pas les appendices, allez sur le site de Télé-Québec, écoutez ça, ça vaut tellement la peine, tellement drôle, de l'humour absurde. Les Francs-Tireurs aussi, qui a des bonnes émissions. Vous voyez Télé-Québec, là, il y a du bon stock, ça vaut la peine d'aller écouter leurs émissions. Un autre bon coup de Télé-Québec avec justement les Mystérieuses Cités d'Or. La suite, c'est pas un remake, c'est bien la suite de ce qui s'était passé à l'époque. Et voilà, une belle nouvelle pour les Mystérieuses Cités d'Or à Télé-Québec au Québec. On est contents. Et, pardon, Monsieur Andrew Castagan, des nouvelles par rapport à ce qu'on avait déjà parlé, un nouveau DLC de Skyrim, de Elder Scrolls 5, donc de Skyrim, qui s'appelle Dragonborn. Mais là, on c'est pas comme un ajout là, à la Heartfire à seulement 5$. Là. On va nous parler d'un ajout majeur, un peu comme à la... Dawnguard. À la Dawnguard, c'est ça. Ça va être un truc à 20$, mais là... on avait parlé un peu que, ben en fait, moi j'ai pas trop compris. J'ai plus regardé parce que j'ai vu qu'on pouvait monter des dragons. Ça, j'étais très, très, très content. Il va y avoir des ajouts matériels comme à toutes les autres. Mais là, qu'est-ce qui va se passer finalement dans ce DLC-là? Ben, en fait, il n'y a pas eu tant de nouvelles que ça qui est sorti dessus. La première des choses, c'est qu'ils ont confirmé que le DLC allait être disponible sur Xbox pour le 5 décembre. Aucune date d'annoncée pour le PC. Encore moins de date pour la PS3. Parce qu'on attend toujours là, les suppléments sur la PS3 pour les autres, Dawnguard et Heartfire. Et dans le fond, ils ont confirmé également, là, je m'excuse des noms parce que j'ai juste les noms en français, là. L'aventure va se dérouler non pas à Skyrim, ou en français, bord de ciel, mais sur l'île côtière de Solstheim. Oui, je pense que si je me rappelle bien, on entend parler de cette île-là dans d'autres jeux d'Elder Scrolls, qui est un truc légendaire. Exactement. Et dans le fond, c'est sur cette île que le Dragonborn va être témoin de la réapparition du premier Dragonborn. Malheureusement, ce premier Dragonborn-là n'est pas aussi glorieux et héroïque que le nôtre. Il ne sauve pas le monde, il a essayé de le dominer grâce à ses pouvoirs draconiques. Et le Dragonborn va devoir le confronter avec un nouvel arsenal de shouts, des cris et des sorts, dont un qui a été confirmé qui s'appelle Aspect Draconique. Oh. Il n'y a pas eu de détails. Ça sent le polymorphe. Mais ça, dans le fond, ça semble dire que ça nous permet d'invoquer le pouvoir du dragon et avoir des coups dévastateurs, mais il n'y a pas eu beaucoup de détails qui ont été sortis. Confirmation de monture au niveau des dragons. Et nouveau donjon, nouvelle créature. Et pour l'instant, comme je disais, pas eu d'informations au niveau de PC et PS3. Excellent. Merci beaucoup, Andrew. Écoutez, surveillez évidemment la sortie et surveillez vos mods, ceux qui ont des mods sur PC. De les mettre à jour avant de commencer à jouer parce que ça peut faire crasher votre jeu. Hey, j'ai hâte de voir ça. Dragonborn contre Dragonborn, ça va être épique. Surveillez ça au mois de décembre. Je verrai pas ça. Ben oui, tu viendras chez nous, je vais te le montrer. Ok, c'est bon. Et maintenant, après ces deux excellentes nouvelles, c'est déjà la fin de Puissance Maximale, mesdames et messieurs. Encore une grosse émission de passé. On est toujours content de venir à chaque semaine vous parler jeux ici à CKIA FM. Chaque semaine, on est là pour vous. Pour les jeux. Et on voudrait remercier M. Diego Lamana qui nous a parlé du sommet international des jeux de Montréal. On va revoir Diego prochainement qui va nous reparler du sommet parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Là, il va nous reparler. Merci M. Diego. M. Andrew Castegan à la console, merci d'être là chaque semaine pour nous parler jeux et pour évidemment mettre l'émission en onde. Voilà, toujours un plaisir. Désolé, j'ai eu un moment de gel. Ouais. C'est presque vendredi pour tout le monde. Ah, pas souper. Ah, c'est ça, on va aller manger tout de suite après l'émission. On vous rappelle que pendant les émissions, venez ajouter M. Andrew Castegan à vos amis. Il va pouvoir vous parler en direct sur Facebook pendant les émissions. Mon nom est Michael Michaud, votre animateur, celui qui est là au micro chaque semaine parce que je vous aime, M. Castegan aussi vous aime, bien évidemment. Non, moi, ça couche un petit froid. Ouais, c'est vrai. Donc, on fait ça par amour. On vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com pour aller chercher nos anciennes émissions, podcasts et autres nouvelles. Le Facebook, donc Puissance Maximale dans la barre de recherche pour nous retrouver. Et finalement, le CKIAFM.org pour la carte de membre pour encourager CKIA. En terminant, je vous souhaite, comme à notre habitude, une excellente semaine de jeu. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not with my girlfriend. It's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D. Warriors who terrify. It's D&D. Virgins. Till the day we one, two, three, four, die!